Bienvenue dans un univers multifacette, fait de paradoxes et de contradictions acerbes. Cet album vient pour cracher cet alcool qui m'acère dans les alcôves de ma cervelle, à grand fort de métaphores. J'y expulse mes nerfs et des accords majeurs sur des accords mineurs sans préliminaires. Voici mon vomi livré sans compromis, seul incromis pour extirper ce comprimé de mes chroniques. C'est un moyen d'expression plus que de séduction. Par déduction, il rebutera certains voire provoquera la répulsion. L'antidoxa est une contrebois, un contrepoids. Elle est également l'étape nécessaire à un dépassement, une voie de détachement. Alors bienvenue dans mes égarements.